Ça y est, ça commence comme ça. Hein. Nous sommes les amis. Vous êtes devant ce qui se trouve être un podcast. Ma caméra vient de couper. C'est fantastique. On la garde. C'est énorme. C'est improvisé. On est là pour se détendre. Il n'y aura pas de montage aujourd'hui, mes amis. Comptez sur moi. J'en ai ma claque de montée. Je suis accompagné de mon ami Nico. Comment vas-tu? Je vais extrêmement bien et je suis ravi de proposer un contenu audio et vidéo à toute la communauté des monteurs qui en ont marre de monter. Voilà, on se propose de les détendre avec un contenu qui n'est absolument pas monté, afin de leur prouver qu'eux aussi peuvent s'en battre les couilles. Voilà, bah un petit peu comme on passe une dédicace à nos amis de CQLB. Et du coup, bah là, vous êtes devant le format que j'ai envie de nommer le Trollcast libre. Alors, audio, vidéo, sans doute un peu des deux, même si ma caméra vient de couper, ça sera plutôt audio. Je vais attendre un peu pour recharger la batterie et ça va arriver. Mais du coup, en quoi consiste le Trollcast libre? Alors, comme vous le savez, on a lancé le contenu des Trollcasts que l'on a rebooté sur Merugézu, n'est-ce pas? C'est juste. C'est juste. Et du coup, bah là, l'idée, c'est OK, sur Merugézu, c'est vrai que j'essaie de monter, de faire un truc assez bien foutu, assez carré, on va dire. Mais là, voilà, il me faut une petite pause. Et du coup, ce format des Trollcasts libres, ça sera juste pour discuter. Et bah aujourd'hui, on est avec Nico. Donc, c'est avec toi qu'on avait rebooté les Trollcasts, n'est-ce pas? On avait fait un podcast sur Prey. Est-ce que tu aimes toujours autant ce jeu, d'ailleurs? Un jeu marquant de la décennie. Tu l'as mis dans ton top, si on peut révéler, dans le top Merugézu des jeux de la décennie. Tu l'as mis bien placé, hein, si je ne m'abuse. Alors, il est placé avant Untitled Goose Game. Il est Ah, quand placé même. avant Witcher 3. Ouais. Et il est placé avant tous les autres jeux d'ailleurs, parce qu'il est placé numéro 1 en réalité. Numéro uno. Ouais. Alors, est-ce que c'était plutôt un acte militant de ta part ou vraiment tu considères que c'est le plus grand jeu? Parce que toi, t'as vraiment kiffé Witcher 3, moi aussi d'ailleurs, mais c'était militant, est-ce qu'on peut le dire comme ça? C'est politique, mon vieux. C'est politique, je pense qu'on peut le dire. Non, mais bah oui, enfin, je veux dire, c'était afin de diversifier un petit peu le top général, quoi. De pouvoir Ouais. parler d'autre chose que du De énième japonaiserie. Xenoblade, De voilà. japonaiserie. Et Mais plutôt satisfait, quoi. Ouais. plutôt satisfait de quoi? Bah du top déjà, non? Je sais Bah, pas. c'était bien, ouais. Il était top. Ouais, j'ai apprécié énormément. C'est toi qui as fait le décompte aidé par Kaisermeister, mais Ça, tu... je peux pas dire que je l'ai énormément apprécié. Enfin, il y avait un petit plaisir de la découverte quand même, c'est Ouais. vrai. De voir les points s'accumuler pour le grand vainqueur Ouais. Breath of the Wild, Et n'est-ce pas? ce que personne n'a vu, par contre, du coup, c'est tous ces gens qui ont mis un point à un jeu qu'ils aimaient bien, mais qu'ils Ouais. jugeaient comme mineur, enfin, qu'ils jugeaient comme n'ayant pas de légitimité. Et Ouais. du coup, il y a genre peut-être 20 jeux qui ont entre 1 et 3 points. Ah ouais, Mais ouais, ouais. mais qui sont, je pense, a priori des jeux qui sont quand même intéressants. Et Parce que en tout... justement, Ouais. c'est pas les jeux qui mettent tout le monde d'accord qui vont être dans le top 5 des gens. C'est. Genre, je sais pas, Shambhala par exemple, il avait mis Else Heartbreak avec 1, je crois. Ok. Et Ouais. bah, ça, c'est un jeu indé qui m'avait intéressé quand il est sorti. Je me rappelle plus trop en quoi ça consiste. Mais enfin, je pense qu'il doit y avoir pas mal de gens qui ont fait ça aussi et voilà, qui ont décerné ce un point, mais Ouais, voilà, c'est ça peut ça. valoir le coup d'investiguer ça. Mais en tout, on a eu 340 ou 360 jeux différents sur 40 tops. Donc, évidemment, il y en a qui se sont retrouvés dans plusieurs tops. Mais il y a aussi des jeux ouais, voilà, que les gens ont mis qu'une seule fois. Le top de plein les pixels, Pierre de plein les pixels d'ailleurs, qui était en invité dans le podcast, le Trollcast Shenmue. Dans son top, t'as que des noms de jeux que tu connais pas. Ah Voilà, oui, je l'ai vu, il est énorme celui-là. Ah Ouais, bah il est énorme. c'est une œuvre d'art à part entière Le top d'ailleurs. est artistique en tant que tel, ouais. Mais Ouais. moi aussi, j'ai aussi beaucoup hésité à mettre différents jeux, mais les 25, ça se remplissait quand même assez vite quand on a quand même... T'as beaucoup joué, toi, ces 10 dernières années, d'ailleurs? Bah, pas tant que ça en réalité, hein. Moi, une des premières choses que j'ai dites quand on m'a dit Nico, faut faire un top, c'est tout le monde va se rendre compte que je ne joue pas aux jeux vidéo. L'imposture impostée quoi. Mais Ouais, en gros, c'est. Bah, tiens, ça, c'est intéressant, mec. Parce que quand on a commencé les trollcasts, quand on a fait les premiers trollcasts à l'époque, donc nous, on s'était rencontrés au lycée, n'est-ce pas? Ouais. Et on a commencé à enregistrer. J'avais fait un test avec Adrien que j'ai retrouvé et que j'aimerais bien uploader un jour parce que c'est avant la sortie, juste avant la sortie de Xenoblade Chronicles 1, du coup. Et on en parle et tout, mais. Tu sais, on se barre dans des délires et tout, c'est assez marrant. Mais justement, c'est pas 2000, c'est 2011 du coup en France, je crois. Je sais plus exactement. Ça doit être Xenoblade. 2010 ou 2011, ouais. Ouais, et du coup, quand on a commencé à faire les trollcasts tous les trois, c'était bah, il y a presque 10 ans en fait. Ce qui est ouf. Et à l'époque, de quoi on parlait, rappelle-t'en, ça se dit ça ou pas? Souviens-t'en, souviens-t'en, mon Souviens-t'en. vieux. Je crois qu'un des premiers qu'on avait fait de Trollcast, on était dans le délire Scoia'tael. On disait, oh oui, mon ami, tu te rappelles? On mangeait des chips. Je crois qu'Adrien, il mangeait des chips devant le micro. Ouais, mais c'est bien les chips, c'est très radiophonique. C'est ça. On peut les entendre craquer sous la dent. Mais ce qui est marrant, c'est que la qualité n'était pas médiocre parce que j'avais acheté à l'époque un micro studio d'occasion qui était quand même pas mal, hein. Mais plus tard, je l'ai fait tomber par terre, il marchait plus et tout. Mais à ce moment-là précis, en plus, je pense qu'il était. Comment on dit déjà? Il avait. Bah, j'ai plus le terme technique, mais en gros, il enregistrait devant et derrière. Putain, c'est Ouais, quoi le terme? bidirectionnel. Pluridirectionnel ou je sais pas quoi. Omni, non, je sais plus. Et du coup, bah, on avait mis le micro au milieu, comme autour d'un feu de camp, et on parlait. Et justement, on était, je disais tout à l'heure, on était dans le délire Scoia'tael. Puisque Witcher 2 venait de sortir. Ouais. Est-ce que tu t'en rappelles de ça, de cet Ouais, âge bah. d'or? De toute façon, à cette époque, on aimait s'enthousiasmer pour divers éléments de lore qui étaient travaillés, quoi. Parce que quand c'était pas les Scoia'tael de Witcher, c'était toutes les technologies Dwemer de The Elder pour C'est lesquelles vrai on que. aimait prétendre s'enthousiasmer, en fait. Parce que, bon, quand on y réfléchit, est-ce que les Dwemer, c'est si ouf que ça? Non, les Je Dwemer. sais pas, mais. Dans Parce que finalement, Morrowind. c'est pas si développé que ça. Ah Mais ouais, bon, c'est si marrant je de dirais. prétendre qu'on est fasciné par les Dwemer, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais je dirais quand même que sur Morrowind, en tout cas sur les trois jeux Daggerfall, je pense pas qu'il y ait les Dwemer, mais sur Morrowind et Skyrim, je crois que dans Oblivion, il n'y a pas de Dwemer. Mais en tout cas, dans Morrowind, t'as quand même ce truc. Moi, j'ai toujours considéré que Morrowind était quand même plus artisanal. Que ce qu'il y a eu par la suite. Moi, j'adore Oblivion justement pour ce côté procédural un peu généré, tu vois. Mais Morrowind, c'était vraiment fait à la main et tu te retrouvais dans des donjons vraiment assez bien designés, Dwemer et tout. Et non, il y a quand même du lore qui a été développé, je pense, par rapport à ça. Les armes de torture Dwemer, ne l'oublions pas. Ouais. Référence à un film parodique Non, qu'on avait mais c'est fait. surtout que c'est surtout un film parodique, ouais. Non, je disais, vous pouvez le retrouver sur la chaîne Théo le Fou, le film parodie de Skyrim, parodie de Elder Scrolls. Ouais, il est super ce film. Ouais. Et non, mais le truc des Dwemer, en fait, enfin, pour ma part, parce que moi je viens de l'école des jeux de rôle qui sont scénarisés, en fait, et pas du tout à monde ouvert à la Elder Scrolls, en fait. Ouais. Et du coup, pour moi, si tu développes un truc, genre par exemple les Dwemer, donc pour expliquer, c'est des cités souterraines, et avec des souterrains qui sont absolument immenses, qui peuvent t'amener d'un point à un autre de la carte, dans Skyrim. Ah oui, c'est vrai ça? Bah, t'as une Je ne savais entrée, bah, pas tu du peux avoir tout. une entrée dans un coin, et puis tu vas parcourir les souterrains, tu vas les parcourir pendant 3 heures, et à la fin, tu peux trouver une sortie, et tu te retrouves quand même assez loin de ton point d'entrée, tu vois. C'est Ah oui, ça pas d'accord, ouais. juste une cité souterraine sous la cité, tu vois. Tu Ouais, vas je vois. pouvoir te retrouver, sortir dans la plaine, quand même assez loin de ton point d'entrée. Mais les Dwemer, ouais. Ouais. Et tout ça pour dire que, bah, il y a effectivement du lore qui est développé, tout ça, on apprend que c'est une sorte de race d'elfes qui a dégénéré, en fait, et qui se sont Ouais. retrouvés, bon, voilà, c'est des êtres un peu dégénérés, qui n'ont sont plus tellement sophistiqués. Ouais. Mais du coup, c'est tout, en fait. Et genre, tu peux explorer les ruines et Mais. trouver des éléments de lore et du loot, etc. Mais il va Ouais, jamais y mais. avoir une quête bien précise en rapport avec ça. Il n'y a jamais de fin mot des Dwemer, en fait. C'est juste qu'ils sont Alors, là. C'est comme ça. Je vois ce que tu veux dire et on a eu souvent ce débat et je pense que c'est au cœur de l'actualité. On a beaucoup souvent, toi et moi, hein, débattu plutôt Elder Scrolls, plutôt Witcher et avec chacun des arguments, etc. Et je trouve ça intéressant. Laisse-moi quand même préciser quelque chose. Toi, je pense que là, tu parles des Aldmer dans Skyrim, c'est-à-dire ceux qui ont régressé. Ou alors tu fais un mélange un peu des deux. Parce que les Dwemer, c'est, si j'ai bien compris, je crois qu'on les a jamais vus in-game, mais c'est des sortes de nains, quoi. Mais c'est Ah. des, tu vois, c'est ceux qui ont toutes les trucs, l'architecture et la technologie en forme dorée, enfin de couleur Ouais, non, dorée, en forme ronde. t'as raison. Et ils ont des sortes de robots et tout. Et dans Ouais, Morrowind, tu avais des sortes ils de... sont mécanisés un peu, ouais. Voilà, mécanisés. Bah, en fait, les Dwemer, je pense qu'ils ont disparu, on les a jamais vus, comme les dragons avant Skyrim d'ailleurs. Mais On tu avais, les ouais, ils avaient ils des sont créatures. présents dans une sous-quête, je crois, ça doit être dans Morrowind, il me semble. Il y en a un qui Ouais, apparaît. c'est possible. Ah, t'as vu, c'est marrant ça. Parce que toi, tu as fouillé le lore. Toi, tu aimes les lores. Ça, c'est vrai, ça. J'aime bien les Et lores, effectivement. Je les apprécie. pourtant. Et je dois l'admettre au microphone, c'est qu'à chaque fois ça m'impressionne parce que tu connais des trucs sur des jeux, bah typiquement même les Elder Scrolls, tu connais des trucs que moi j'ai jamais compris quoi, parce que moi je subis le jeu et toi t'as ce côté un peu plus, comment dire, encyclopédique, je sais pas comment dire, universitaire, je pense qu'on peut le dire comme ça. Ouais, si tu veux. Non, bah, c'est peut-être pour... Je sais pas, parce que moi, quand tu mets devant un monde ouvert comme Elder Scrolls, c'est... Comment dire, justement, bah, comme je le disais avec les cités Dwemer et du coup les Altmer, comme tu l'as dit, Voilà, tu m'as Altmer, corrigé. c'est ça, c'est ça. Je sais pas si J'avais c'est dit Alt, Altmer, je sais pas si c'est ouais. Alt ou Aldmer. C'est Alt-Tab, C'est mer. peut-être Ok, pardon. Aldmer, je sais pas. Ouais, je crois que t'as raison. Non, bah, du coup, tu vois, j'ai essayé de trouver le fin mot. Tu vois, quelle était l'utilité d'avoir fait des cités, d'énormes cités, souterraines comme ça, quoi. Mais je crois que j'arrive à me rappeler de ce dont tu parles, mais s'il y a bien un jeu dont j'ai oublié pas mal de trucs sans pour autant avoir l'envie d'y revenir, c'est Skyrim. Je crois que oui, effectivement, t'as des villes souterraines un peu avec des champignons, des machins, et c'est ça les environnements Altmer, quoi. Ouais, t'as des champignons, t'as des... Bah, c'est là, t'as des espèces d'insectes aussi. Et du Mais coup, tu... t'as ces espèces d'elfes dégénérés, là. Je sais plus s'ils ont été réduits en esclavage, justement, par les Dwemer. Enfin, c'est un délire comme ça, quoi. Ouais, exactement, ouais, t'as raison, il y a un délire comme ça. Mais quand tu parles de champignons et de Elder Scrolls, moi, ça me rappelle un truc que justement, qu'on avait trouvé génial avec Adrien quand on avait commencé Morrowind, c'est qu'en gros, t'entres dans un donjon et t'avais un tapis de champignons, enfin, comment dire, on peut le dire ça, t'avais plein de Oui. champignons, quoi, sur le sol, et à l'intérieur de ces champignons, enfin, au milieu de ces champignons, t'avais un anneau. Et on trouvait ça trop bien, et c'est un truc dont on a discuté souvent avec Adrien aussi, ce qu'on appelait les échelles de gameplay, c'est-à-dire pas à savoir si le jeu est première personne ou troisième personne, mais plutôt à savoir quel est le plus petit, quelle est la taille du plus petit élément avec lequel tu vas pouvoir interagir, c'est-à-dire la précision entre guillemets du curseur, tu vois. Et dans Ouais. Morrowind, c'était vraiment un jeu pensé pour l'ordinateur, le PC. Où t'avais moyen de récupérer ce tout petit anneau si tu plaçais bien ton curseur parce qu'il était caché dans les champignons, tu vois. Du coup, dans Morrowind, l'anneau est d'autant plus petit que le monde est immense. C'est surtout qu'à Ouais. l'époque, je sais même pas si à l'époque tu avais de la téléportation. T'avais non, t'avais certains véhicules, genre un bateau, t'avais les espèces de grosses langoustes là. Ouais. T'avais sûrement des portails dans les guildes des mages, tu pouvais te téléporter. Mais t'avais pas de voyage rapide. Si c'est ça que tu Ouais, demandes, t'avais pas du tout le c'est voyage ça que rapide, quoi. enfin ce que je voulais dire en gros, c'est que le fait de se déplacer dans ce Ouais. jeu était quelque chose de enfin, fallait vraiment prendre sa décision quoi parce que Ouais, c'est ça. tu vas pas Bah, du faire coup. 15 minutes de marche dans un sens et te rendre compte que tu t'es trompé quoi, parce que Ouais, exactement. c'est impliquant quoi de Ah prendre oui, la c'est décision de se impliquant de ouf. déplacer. Mais ça, c'est une discussion qu'on peut avoir par rapport au voyage rapide et tout. C'est que. L'optimisation, tu vas vraiment réfléchir ta partie différemment quand t'as pas le voyage rapide ou comme tu dis quand les déplacements sont un peu lents et tout. La question du voyage rapide, c'est vachement intéressant parce que à quel point on va changer sa façon de jouer vis-à-vis de ce voyage rapide. Moi, j'ai toujours essayé dans ces jeux-là où t'as cette notion de voyage rapide, cette notion de temps qui passe aussi. Là, je suis sur Witcher, le premier en ce moment, et c'est pareil. J'essaye pas de trop dormir pour faire passer le temps, par exemple, tu vois. Alors, dans Witcher, le premier, bah, t'as un téléporteur à un moment donné. Mais bon, là, à la limite, c'est vraiment dans le lore, quoi. Il y a un téléporteur chez ta pote, tu l'utilises, et puis c'est des points très précis que tu Ouais, peux. c'est des points qui sont très limités. Voilà, c'est très limité, donc. Bah, c'est des téléporteurs. Enfin, t'en as plusieurs dans le jeu des téléporteurs. Toi, Ouais. t'en as connu combien? Parce que je veux pas te spoiler vu que tu l'as pas encore Non, fini. là, j'en suis à Vizima, donc t'en as quatre. T'as chez l'alchimiste, chez la magicienne. Je reste flou, je dis pas les noms pour pas trop spoiler et tout. Et dans la tour et dans les égouts, enfin dans les égouts, t'as un truc avec un Ouais, téléporteur. C'est de ça voilà. dont tu parles, ouais. Bah moi je Après, parlais ce. de celui dans les égouts, justement je trouve qu'il est très symbolique parce que c'est genre un truc qui est là, c'est une technologie ancienne on va dire, Ouais. qui est réutilisée par des êtres humains contemporains de la diégèse, mais Ouais. donc t'as ce truc-là qui est là, qui est comme ça, et les autres c'est des magiciens, des alchimistes, donc c'est vraiment un truc très spécial et enfin il n'y a pas du tout d'idée de pouvoir se téléporter à la volée comme ça. C'est ça, Et exactement. Mais bien en souvent tes plus. quêtes elles sont pas au même endroit que l'endroit où tu te téléportes. Donc Ouais. c'est un petit raccourci, mais c'est pas du tout de la téléportation à la volée, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout, ce téléporteur dans les égouts, il est complètement justifié par l'histoire, par le lore, etc. Ouais, Et ça, c'est absolument. vrai. Et ça, c'est vrai que quand tu le vois même dans Witcher 3 ou dans Witcher 2, mais ils ont aussi une façon de, voilà, d'essayer de créer un monde cohérent ou, et de le remplir de façon, comment dire, cohérente, quoi, tu vois. Là, on est sur une philosophie de game design, de world design ou quoi que ce soit, qui est vraiment différente des Elder Scrolls, où justement, dans ces derniers, moi, ce que j'ai toujours bien aimé, c'est de me raconter ma propre histoire. Voilà. Bah justement, la téléportation, c'est intéressant qu'elle soit quelque chose de spécial et limité à des êtres qui pratiquent la magie, qui sont des érudits Ouais. dans Witcher 1, parce que justement, le sorceleur, en fait, n'est pas un magicien. C'est ça, il a des pouvoirs magiques qui sont très limités. Il est toujours dans une posture de rejet et un peu de peur par rapport à la magie. Ouais. Et aussi par rapport au fait que les magiciennes ont tendance à avoir des comportements manipulateurs dans l'histoire de Witcher. Et voilà, ça place une distance en fait, et ça crée en fait un personnage principal et un avatar qui n'est pas tout puissant pour le joueur en fait. Ouais. Ah, exactement, Et du coup, exactement. ça crée un personnage qui est plus réaliste et plus intéressant à jouer. Oui, voilà, qui a des limites, qui a des limites. C'est vrai que après, ça c'est aussi une grande différence entre les Elder Scrolls et Witcher, on va dire, c'est que dans Witcher, on t'impose un personnage, mais c'est aussi une qualité, attention, hein. Pour moi, c'est peut-être pas forcément vraiment la personnalisation du physique du personnage à outrance dans les Elder Scrolls, c'est quelque chose qui permet de rigoler, mais en fait, à un moment donné, quand t'arrives pas à avoir une tête potable, tu te dis, bon, je préférais peut-être qu'on m'impose un personnage à peu près charismatique, tu vois. Ouais, Bah bah. là, on va voir ce qu'ils vont faire dans Cyberpunk avec vraiment apparemment une grosse personnalisation du personnage. Si, bah moi ce que je fais généralement quand je joue à un jeu où tu personnalises tu crées ton avatar en fait, j'essaie de partir d'un modèle préexistant, parce que souvent tu as des modèles préexistants, et après je le modifie à la marge pour pouvoir dire c'est quand même mon personnage. Parce Ouais, que voilà, c'est ça. si tu commences vraiment à modifier chaque paramètre from scratch, généralement, tu aboutis sur des abominations phénotypiques, quoi. Des trucs qui ne devraient pas exister. C'est clair, c'est clair. Mais en ce sens, c'est vrai que en jouant à Witcher, par exemple, même là, le 1 ou le 3, c'est vraiment que tu t'attaches aussi à ton personnage, quoi. Alors que dans Elder Scrolls, si tu veux vraiment prendre ton pied, il faut que tu te sois attaché au monde. Ou vraiment que tu te racontes une histoire dans ta tête, tu dis ouais, c'est comme ci, c'est comme ça. Et là, justement, je retombe sur le sujet du voyage rapide. C'est que c'est là où ça fait la différence. C'est-à-dire que si tu y joues de manière réelle, en essayant d'être réaliste, en limitant un maximum les voyages rapides, et en essayant d'optimiser par exemple ton trajet sur la map, en te disant bah, je vais passer par Bruma pour finir cette quête, ensuite je vais redescendre vers là. Et là, en fait, pareil, au niveau du temps qui passe, tu vois, pas systématiquement régler, que ça soit dans Witcher avec le feu de camp ou dans Elder Scrolls avec attendre, pas Bah dans systématiquement oui. rejoindre l'heure qu'il te faut précisément, mais parfois tu te dis, je fais des petites emplettes en attendant l'heure de ma quête, par exemple, ou quoi que ce soit. Ouais, bah dans Witcher 1 en plus c'est des. Surtout au début du jeu, c'est une map qui est assez dense en fait. Ouais. Donc dans les faubourgs de Vizima. Ah oui, d'accord, ouais. où tu as énormément de quêtes à faire, en fait, et du coup, tu as forcément quelque chose, une quête qui comment dire, dont le timing coïncide avec l'heure de la Voilà, journée, c'est en ça, fait. ouais. C'est quand même assez rare de se retrouver sans rien avoir à faire et de devoir attendre le soir, Bah quoi. après, ça dépend si tu joues en mode. Il y a mon chat qui fout le bordel derrière, là. Il est excité. Après, ça dépend si tu joues en mode toutes les quêtes un peu complétionnistes, comme moi, là, je fais en ce moment, où bah, n'importe quel instant de la journée est l'occasion de checker s'il n'y a pas un mec qui est apparu pour te donner une nouvelle quête et tout et tout. Ou si tu t'essayes d'aller droit au but directement à l'objectif, quoi. Ça serait quand même dommage de faire ça dans un jeu comme Witcher, mais bon. Ouais. Mais justement, quand tu parles de densité de Vizima, moi, ça me rappelle, et je me suis posé la question en jeu, je me suis posé la question, Ouais. est-ce que les mecs qui ont fait le jeu Vampyr, donc chez Dontnod, ont joué à Witcher? Parce qu'il y a quelques similarités, à mon avis, c'est-à-dire que déjà, bon, t'as cet aspect, t'es dans une bourgade, etc., mais... Voilà, avec une certaine densité, et aussi tu as cet aspect un peu enquête mélangé avec un jeu, bah, on va dire action RPG, tu vois. Ouais. Et cette façon dont en fait tu as un feeling qui est vraiment similaire entre, je trouve, Vizima et Londres en fait dans Vampyr. Et c'est un jeu, plus j'y repense, plus il m'a laissé un bon souvenir. C'est vrai que j'ai même pas pensé à le mettre dans mon top de l'année, où je l'ai mis. Je l'ai mis ou pas? Tu te souviens? Je crois Ouais. pas, mais c'est un jeu qui est cassé en même temps, donc c'est un peu difficile C'est un jeu. Ouais. de dire sans ambages, c'est un super jeu, quoi. C'est pas un jeu pour tout le monde, on va Non, dire. c'est un jeu qui. Faut... Ça dépend ce que t'en attends, quoi. C'est sûr que. Là, Ouais. on en parle de temps en temps sur le Discord, on en parlait avant. Mais si tu crois jouer à Bloodborne, ben. Eh oh, ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ce que le jeu essaie de faire. Et voilà, c'est tout, hein. Mais après, si tu le prends tel qu'il est, après le débat, et là je suis complètement d'accord sur ce débat-là, il n'y a pas de souci, c'est le prix, quoi. C'est est-ce que sur un double A de... Parce que finalement, je crois savoir, Ken m'avait dit que le prix a chuté assez vite, tu vois. Maintenant, Ouais. si on pose la question, est-ce que ça vaut les 60 €, est-ce que c'est un jeu que tu as envie d'acheter à 60 €, je vais dire aux gens, bah non, vaut mieux se tourner vers peut-être Bloodborne, etc. C'est plus conséquent et Ouais. tout. Mais si tu veux, enfin je veux dire, à l'époque de quand j'achetais des magazines de jeux vidéo en 2005 par Ouais. exemple, là je pouvais comprendre que le testeur écrivait Ouais. Ouais. en pensant au prix d'achat, parce que tu Absolument. avais le prix Ouais. d'occasion pendant 2 ou 3 mois, qui était peut-être 10 € moins cher, et le prix neuf, et c'était le vrai prix du Ouais, jeu. absolument. Alors qu'à l'heure actuelle, surtout pour Vampyr, qui est un jeu plutôt orienté vers le public PC, t'as des soldes qui sont super rapides. Mais c'est un vrai Donc débat, hein. c'est difficile de lui mettre une très mauvaise note eu égard à son prix, tu Voilà, vois. ouais, bah Parce qu'à la limite, tu pourrais dire à Disco Elysium, c'est un jeu qui est trop cher, je sais plus, il était à 40, ah quelque chose ouais, comme putain, ça. ouais. Ah ouais. Parce que la technique n'est pas. Enfin, tu vois, c'est de la 3D isométrique, c'est pas folichon. Ouais, voilà. Après, il y a un travail d'écriture qui est énorme sur le jeu. Ouais, mais ça reste des petites équipes, quoi. Mais Après, de c'est toute aussi ça. façon, ça ne devrait même pas rentrer dans le débat, puisque le jeu est en promo en permanence, en Ouais. fait. Je veux dire, Bah après. Disco Elysium, c'est un des jeux les plus acclamés par la critique, mais Steam le met tout le temps en promo, il est tout le temps à moins 20%, Ouais. moins 30% depuis les fêtes de Noël, là, il est encore en promo parce que c'est le nouvel an chinois. Enfin, chaque événement culturel autour de la planète est prétexte à faire des promos sur Non, Steam. Donc, mais je vois ce que tu veux dire. Après, c'est clair que moi, le prix, on peut voir ça aussi comme ben, la main-d'œuvre en fait qu'il faut payer aussi, tu vois. C'est-à-dire que quand tu dois faire marcher une compagnie comme Dontnod et tout, ben, ou peu importe, hein. Donc je peux Ouais, comprendre, mais moi. ouais. En fait, je vois plutôt le prix. Je vois le prix quasiment de façon opposée à ce qui pouvait être circa Ouais, 2005, comme ouais. mon exemple. En fait, le prix aujourd'hui, c'est le prix de l'acte militant d'achat. C'est vrai. Ouais. Parce que, enfin, je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, j'ai acheté plusieurs jeux Day One pendant cette génération. J'ai pas eu trop le temps de Ouais. jouer parce que j'attendais vraiment le jeu et que j'étais aussi content de rémunérer le travail du Ouais. développeur. Mais ces jeux, je n'y ai pas joué, et puis quand j'y ai joué, je regardais le prix par curiosité du jeu neuf qui tombait aux alentours de 10 euros pour un triple Ouais. A. sans les avoir ouverts, sans que tu les aies touchés, finalement, le prix est tombé super vite, quoi. C'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. C'est vrai que là... Donc, en fait, le prix d'achat neuf, c'est le prix de l'acte militant. Si vous voulez militer, vous achetez votre jeu 60 euros. Ouais, voilà, mais si c'est vous n'êtes pas pressé, si vous voulez pas être déçu, finalement, par rapport au prix que vous avez mis, bah, il suffit d'attendre quelques mois. Et je veux dire, il y a tellement de jeux aujourd'hui qui sont disponibles. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais, non, mais c'est très vrai ce que tu dis. Mais c'est vrai que comme tu le dis, début 2000 et tout, il y avait vraiment cet aspect guide d'achat dans les tests de jeux vidéo, dans les magazines, où vraiment, c'était dur, quoi. C'était pas évident, quoi, à l'époque. Bon, en plus, nous, on était plus jeunes et tout, c'était pas notre argent et tout, mais c'était compliqué, quoi. Quand vraiment, t'attendais un jeu... je pense à des jeux comme Dead to Rights... ou bien des jeux comme quoi d'autre, des jeux, il y avait plein de... il y avait pas True Crime 2 non ouais, des jeux comme ça, des jeux je me disais ah mais j'aimerais bien y jouer, mais tu voyais le test, tu voyais qu'il avait genre 7 et tu finalement bah tu disais non tant pis. Et c'est vrai que moi très tôt j'ai fonctionné genre vers l'an 2000, quoi. Mon frère avait ramené le premier joypad qu'on a eu et tout. Enfin, avant ça on avait eu d'autres magazines dans fin 90, mais c'était un peu moins sérieux. C'était un truc avec un bonhomme bleu, où je crois, si ça dit quelque chose aux auditeurs. Schtroumpf Magazine, non, peut-être. C'était une sorte... Ah, je sais même plus, c'était un truc qui sortait vers 98, un truc comme ça. Mais après, ouais, vers 2000, et après, à partir de là, tous les mois, on achetait le Joypad, et c'est vrai que les notes ont commencé à jouer vraiment un rôle décisif, je trouve, dans l'achat, en tout cas pour moi. Tu vois, dès que je voyais un 9, je me disais, ok, là, c'est sérieux. Ce qui est marrant, c'est qu'il y avait aussi les tests import. Du coup, c'est Greg qui les faisait souvent. Donc, Greg, voilà, un Gaijin Dash et tout. Et moi, je me retrouvais à demander à ma mère ou à même une fois à ma grand-mère. Je lui disais, un coup, j'ai demandé à ma grand-mère, est-ce que je peux avoir Made in Wario? Et... évidemment, c'est le nom japonais de WarioWare, il me semble, ou alors c'était le titre du test. Il me semble que Made in Wario, c'est le titre japonais. Et du coup, j'avais réclamé ce jeu alors qu'il était ni sorti en France et sûrement pas sous le titre Made in Wario, tu vois. Ouais. Mais bon, ouais, après, aujourd'hui, le marché a vraiment évolué, comme tu le dis, et... Bah à l'époque, c'était vraiment des critiques. On était entre la critique d'art et le guide d'achat. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que dans le contexte des soldes Steam et de la profusion des jeux qui est à disposition, et aussi de la profusion de l'information pour choisir le jeu qui convient le mieux, on est plutôt passé dans la critique d'art en réalité. Mais il y avait... Donc le prix est une variable de la conclusion de la critique qui est, je pense, de moins en moins importante. Ouais. Mais il y avait quand même une souplesse aussi à cette époque, je trouve, où dans certains tests, où tu avais deux notes, par exemple, et tu avais écrit pour les fans, pour les aficionados, tu vois, ce genre de trucs. Et tu avais deux notes, et je trouve que c'est pas mal, tu vois, parce que bon, mais après, où on va à partir de là, tu vois, une note, deux notes, trois notes, quatre notes, il pourrait y avoir une note par personne, tu vois, c'est aussi ça qui est compliqué. Et la question de comment noter. Comment noter correctement un jeu, tu vois, ça c'est aussi un truc. Est-ce qu'on veut parler de ça vraiment? Mais tu sais, genre, j'ai souvent parlé de ça. C'est marrant finalement de faire un trollcast libre, n'est-ce pas, mon cher Nico? C'est qu'on peut ramener plein de sujets parce que mine de rien, on discute. Dans la marmite trollique, n'est-ce pas? Dans la marmite trollique, c'est bien ça. Que ça soit par appel téléphonique ou par message ou sur le Discord ou sur Twitter même parfois, ou quoi que ce soit, on discute finalement de pas mal de sujets, mais c'est des sujets qu'on n'a jamais posés dans des contenus vraiment à proprement parler, quoi. Et je me souviens, un jour j'étais parti en croisade, n'est-ce pas, tel le prêtre Jean, contre les tests, mais pas vraiment ça, mais en gros j'avais l'impression que les testeurs notaient, comment j'avais dit, mais genre... de façon j'arrive pas à trouver le terme, mais un peu de façon négative, en fait, c'est-à-dire négative dans le sens ils partent de la note, enfin c'est une vue d'esprit ce que je suis en train de dire, hein. Mais en gros ils partent de la note maximale et ils font ok moins 1 pour les graphismes, moins 1, tu vois, et en fait au lieu de noter les qualités, j'ai l'impression qu'ils enlèvent des points pour les défauts, voilà, là je l'ai dit clairement. Du coup tu te retrouves avec des jeux qui fonctionnent mais voilà qui sont pas, enfin typiquement le 21 sur 20, je prends ça comme un exemple, de God of War 4. Je sais pas si tu l'as fait du coup. Ah non, pas du tout. Alors que c'est un jeu finalement, oui, en effet, c'est une super copie. C'est le Jean-Edouard du premier rang qui rend sa copie parfaite, tu vois. Mais il n'y a pas de. Voilà, c'est pas. C'est... Enfin, moi, en tout cas, hein, après, bon, je vais pas vexer les gens, n'est-ce pas, Guillaume? Je rigole, mais voilà, je trouve que bien sûr qu'il a plein de qualités, ce jeu-là, mais après, bon. En fait, c'est pas tant qu'il ait une bonne note qui, dans la presse qui me dérange, c'est plutôt de voir tous les jeux qui tentent des trucs et qui se prennent des notes moyennes et tout, et les testeurs... Enfin, on en reparlait récemment, je crois, avec le cas du jeu de Patrice Désilé, où le mec, il a dit... Patrice, il a son ego, ça c'est évident, mais en même temps, il va pas commencer à raconter n'importe quoi. Et lui, il dit, ouais, les testeurs, ils ont même pas joué au jeu, ou ils sont pas allés loin, tu vois, ils sont pas impliqués, non, mais... tu vois. Il y a aussi un c'est problème de business model, peut-être. Patrice, il est ambitieux, et c'est tout à son honneur. Enfin, je veux dire, il est ambitieux, il a vraiment produit une proposition de jeu vidéo qui est unique avec Ancestors de Humankind Odyssey. Ouais. Et donc, je pense qu'il a raison de demander un minimum d'attention que le jeu n'a pas eu égard à l'originalité de sa proposition, je pense. C'est ça. Mais en plus, c'est aussi un autre débat sur les tests, c'est est-ce que... l'œuvre, c'est un peu classique, mais est-ce que l'œuvre, c'est la somme de ses parties? Tu vois, on dit ça, n'est-ce pas? Ah bah, pour les jeux vidéo, c'est hyper, c'est hyper important comme prisme de lecture. Ouais. Parce que, bah, par exemple, les tests à l'ancienne de JV.com, chaque sous-partie était notée indépendamment. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'était pas la note finale n'était pas la somme de chaque note individuelle, il me semble. Non. Mais t'avais certaines revues qui fonctionnaient comme ça. Ouais, je pense aussi. Des revues qui se voulaient un peu plus. Ouais, noter un peu de manière rationnelle, quoi. Mais au final, c'est. Mais du coup, mais je pense que. Enfin, aujourd'hui, on regarde peut-être Journey et Flower un petit peu de haut en se disant que c'était. Enfin, quand on y rejoue maintenant, moi j'ai essayé de rejouer à Journey récemment, j'ai trouvé ça. Difficile, pas un peu prétentieux et pas tellement intéressant. Journey, tu dis ? Mais à l'époque, quand je l'ai fait, et c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a un an, j'ai trouvé ça super bien. Ouais. Et je pense qu'à l'époque de la sortie du jeu et à l'époque de la sortie de Flower aussi, la caractéristique commune de ces deux jeux, c'est que dans Journey, le sable est hyper bien fait, tous les assets sont mis sur le sable. Ouais. Et dans Flower, tous les assets sont mis sur la représentation de l'herbe. L'herbe, ouais, exact. Ouais, dans la plaine. C'est vrai. Mais comment tu vas noter un jeu si tu fais uniquement des notes par catégorie et en additionnant les différentes catégories si la seule caractéristique du jeu c'est de proposer une herbe qui est tellement bien faite que ça te procure un sentiment onirique. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. En fait, c'est le seul truc exceptionnel qu'il y a dans Flower. Bah, en gros, et en plus, ouais, là pour le coup de Flower, il y a vraiment un contexte de sortie. C'est-à-dire que quand ça sort. C'est quand? C'est 2010 ou 2009? Non. Si, c'est un truc comme ça. Hein. C'est 2010. 2010, on est vraiment au balbutiement du jeu. Il y a déjà plein d'expérimentations qui sont faites vraiment dans le monde indépendant, mais j'ai envie de dire le vrai monde indépendant de l'époque où c'est des mecs qui mettaient ça en ligne sur leur site et tu cliquais et tu découvrais des trucs. Ou alors qui mettaient ça en vente sur leur site, mais voilà, c'était... Enfin bon, et là, dans le cas de Journey, ça y est, des expériences différentes. Non, dans le cas de Flower, pardon. Des expériences différentes qui sont vendues sur le PS Store, qui proposent quelque chose de vraiment nouveau, quoi. Maintenant, c'est vrai que quand tu vas un peu. Je suis un compte Twitter et c'est un site aussi qui s'appelle Alpha. J'ai peur de dire une bêtise, je crois que c'est Alpha Beta Gamer. Bah, il me semble, hein. Et tous les jours, et ce compte Twitter, je l'aime bien, tous les jours, il a des nouveaux jeux alpha ou bêta ou des jeux d'étudiants ou des jeux de jam. Et il te montre des trucs et tu fais « Ah putain, ça existe, ah putain, ça existe ». Et aujourd'hui, les gens, c'est un truc de fou, la production d'expériences alternatives qui existent. Hier, je fermais mes onglets, hein, je suis célèbre pour laisser ouvert un millier d'onglets, c'est même pas une blague. Hier, je fermais des onglets, je retombe sur un jeu que ma copine m'a envoyé, un simulateur de chat où t'es un chat au Japon ou sur une île, peut-être pas au Japon, non pas au Japon. Pareil, des comptes Twitter que je suis, une fille, je crois que c'est une femme, hein, toute seule qui bosse sur un jeu un peu à la Shenmue, mais elle le fait tout seul avec l'Unreal Engine et tout. Et elle met des... Je pense que c'est un compte assez connu, hein, mais elle fait des mises à jour, tu vois. Ah, putain, elle a rajouté de la pluie. Ah, putain, elle a rajouté des gens dans la maison ou peu importe, tu vois. Ou encore, là, je suis un peu dans un tunnel, mais un autre jeu finlandais d'un mec qui l'a fait tout seul où il faut... Tu dois réparer ta voiture et tu dois aller, tu peux boire de la bière, tu peux conduire ta voiture et aller au magasin Ah ouais, récupérer des ce pièces. jeu, ouais. C'est quoi? C'est Ouais, My je... Summer Car, je crois. Putain, Quelque chose comme ça, on ouais. conseille plein de jeux, plein d'expériences. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, tu as plein d'expériences qui existent. Même si moi, je m'enthousiasmerais toujours pour un jeu, voilà, peut-être comme un jeu de Fumito Ueda ou un jeu aussi de Kojima dans une certaine mesure. Qui est différent avec un budget. Parce que le budget, le jeu vidéo, c'est aussi un art technique, on va dire. Et ouais, j'y mets quand même d'importance quand tu vois la créature de Last Guardian ou ce que c'était, ce que ça représentait techniquement de faire tourner Shadow of the Colossus sur PS2. Là, tu te dis. Mais même Ico, hein, même Ico, la façon dont tu t'allais attraper la main d'Yorda et que les personnages, les animations dans Ico, les modèles étaient assez simples, mais les animations étaient Ça c'est vraiment bien faites, hein, ça pour c'est l'époque. après là on est plus dans le domaine de l'artisanat quand tu parles d'animation, je Ouais, pense. non, je suis d'accord avec toi, ouais, mais. Surtout à cette époque, quoi. Mais tout ça contribue à créer des œuvres, quoi, après. Ouais. Après, t'as des œuvres aussi qui... Donc du coup, des œuvres qui sont intéressantes quand même, mais qui n'ont qu'une seule qualité. Ah oui, Donc qui voilà. va être soit l'écriture, soit le... Ah, mais c'est ça. Une... Soit visuel par la technique, donc ça c'est Journey of Flower. Tu vois, si on... Et Ouais. bah, par exemple, Sunset, Ah oui, bah, Sunset. sa qualité d'écriture est sa seule qualité en réalité. Tales of Tales, c'est ça? Et non pas Ouais, parce que Telltales. si tu disais, je sais pas, les graphismes, le gameplay, le Ouais. scénario, la durée de vie, bah du coup le jeu il aurait 5 sur 20, tu Bah ouais, c'est vois. ça. Il aurait 5 sur 20 pour son écriture. Mais oui. Mais en réalité c'est un jeu qui est super intéressant à faire uniquement pour son écriture, quoi. Non, mais. Et son écriture vaut le coup de le faire. Et bien sûr, et son atmosphère et tout. Si vraiment on voulait créer un barème pour noter les jeux de manière entre guillemets objective ou quoi que ce soit, moi je veux bien le faire, le barème. Mais il y aura 100 catégories. 100, pas une de moins. Genre justement. Bah pour rebondir sur un ancien Trollcast qu'on avait fait avec Adrien, genre la fantaisie ou le plaisir d'incarner le personnage, ça serait une des catégories. Le lore, ça serait une des catégories. L'atmosphère, etc. Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte, quoi. Et justement, pour revenir vite fait sur Vampyr, je trouvais, après c'est mon point de vue, mais je trouvais qu'au final, tu pourras me dire, oui, c'est un mauvais Bloodborne, oui, c'est un mauvais Witcher, oui, c'est un mauvais tout, mais... L'un dans l'autre, quand tu joues avec ce travail sur l'atmosphère et tout, c'est que ça reste une œuvre qui, moi, je trouve, mérite d'être jouée, quoi. Le jeu. Et du coup, toi, tu l'as fait, Ancestors? Parce qu'on parlait d'Ancestors, ça, c'est intéressant aussi. Bah, moi je dirais que j'y ai pas assez joué pour Te considères-tu comme un Australopithèque? C'est ça qui m'intéresse. Bah, j'espère pouvoir prétendre un statut un petit peu plus évolué que l'Australopithèque. Encore que. Ma femme me traite parfois de troglodyte, donc Ah voilà, mais ça c'était aussi des termes qu'on utilisait dans les premiers Trollcasts, non? Je sais je plus. sais pas. Troglodyte. Je sais pas Bah, si le troglodyte, troglodyte fait partie du lore. c'était une Mais. créature lézardeuse dans Donjons et Dragons, le troglodyte. Ouais. Non, mais bah moi je m'intéresse à l'anthropologie, on va dire, à la marge, parce que bon, c'est pas ma spécialité professionnelle ni rien, mais ça m'intéresse. D'ailleurs, en ce moment, je suis en Ouais. train de lire le livre d'Emmanuel Todd, Où en sommes-nous? Qui fait D'accord. un espèce de résumé sur les 5000 dernières années de l'histoire humaine, en prenant pour base les différents types familiaux, en fait. Et comment les différents types familiaux influencent l'inconscient des peuples Ouais. et les poussent à avoir certains types de comportements. Mais c'est quoi les types familiaux? Bah, les types familiaux, par exemple, tu peux avoir des types familiaux qui sont patrilinéaires ou matrilinéaires. Ah, ça. Patrilinéaire, je crois que c'est quand tu as l'héritage qui passe par le père, et que la lignée Ouais. passe par le père de façon générale. Ouais. Et après, tu peux aussi avoir différents types de familles avec de la patrilocalité, c'est-à-dire que les jeunes mariés vont plutôt rester du côté de la famille du père, tu vois. Ah, voilà, ça, ouais, Et je pense. Ouais, t'en je as vois d'autres ça. qui sont matrilocales, du coup. Notamment en Asie, Par exemple, le monde arabe, il est plutôt patrie locale Mmh. et patrie linéaire, il me semble. Ouais, Et mais du patrilinéaire, après, c'est aussi en Occident quand on donne le nom de famille du père, quoi. À la base, en tout cas. Ouais, bah C'est aussi un, ça ça découle de partit ça, de quoi. ça, et je veux dire, il y a toute une, comment dire, toute une façon de voir la société, d'envisager les rapports sociaux qui est déterminée par ça, en fait. Ouais. Après, Mais c'est. t'as aussi des types familiaux qui sont assez intéressants pour expliquer les régimes politiques. Par exemple, en Russie, dans la partie la plus peuplée de la Russie, Ouais. t'as ce qu'on appelle la famille communautaire, en fait. Bon, D'accord. là, je suis en train de... Vraiment, je rends pas hommage à l'œuvre parce que l'œuvre de Todd est assez précise, carte à l'appui, Ah ouais? et il explique, il donne les définitions de façon assez didactique. Mais par exemple, un de ses postulats, enfin une de ses observations, parce qu'il observe les documents, comment dire, de l'état civil pour savoir qui de telle famille vit à tel endroit à telle époque. C'est vraiment du travail très Ouais. précis, c'est du travail de Wow. chercheur, quoi. Mmh. Bah, il établit que en Russie, t'as une famille qui est communautaire, en fait. Donc, c'est-à-dire, Ouais. t'as, et qui est, je crois qu'elle est patrilinéaire. Et en ce moment, elle tendrait vers plutôt le matrilinéaire, justement. C'est un retournement de situation qui est intéressant. Mais Et ça a pour conséquence, en fait, d'avoir un père autoritaire avec des frères égaux qui travaillent ensemble, Ah ouais, qui d'accord. se partagent le patrimoine de façon égale. Et du Oui, coup, parce que t'as ça aussi donne des une mentalité qui est civilisations. complètement différente Ouais, bien sûr. d'un système de la famille souche, par exemple, qui est le cas en Allemagne ou au Japon, où on Ouais. va avoir une seule personne qui va être privilégiée pour Voilà, genre l'héritage. l'aîné Ouais, souvent. c'est souvent l'aîné, ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que je voulais dire justement. T'as des, bah même dans la royauté, enfin tout ça, t'avais ce truc-là, mais t'as différentes civilisations où c'est le cas. Ouais, l'aîné. T'as aussi des. J'ai entendu ça récemment, mais j'arrive plus à remettre le doigt dessus. Mais t'as des langages où genre frère et cousin, ça se dit pareil et il n'y a pas de distinction. Ça, Ah, je trouve ça marrant aussi. c'est dans quoi que j'ai entendu ça récemment? Je crois que Je sais pas du tout. c'est en hébreu ou en araméen. Ouais, c'est possible, ouais. Il me semble que Parce c'est en que rapport avec la Bible, un truc comme ça, que je j'avais crois qu'on entendu a ça regardé aussi. la même vidéo sur Je crois qu'on a YouTube regardé la même vidéo. sur Jésus. Ah, je l'avais envoyé, Ouais, oui! la vidéo Un c'est Jésus document. a-t-il existé? Et ils essayent de déterminer s'il avait des frères ou sœurs et c'est impossible parce que c'est le même mot en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je suis tombé sur des documentaires qui sont passés à la télé, hein, et qui. C'est ça dont tu parles, hein. Ouais, c'est Je t'ai ça, ouais. peut-être envoyé, ouais, des documentaires sur Jésus. Et en fait, j'ai commencé à me dire, putain, mais hein, c'est vraiment bizarre, en fait, parce que il y avait ce débat avec le joueur du grenier et tout. Est-ce que YouTube devient comme la télé? Mais en même temps, t'as des trucs que. Je regardais pas à la télé et maintenant tu les trouves sur YouTube et tu fais putain mais c'est grave intéressant ce documentaire tu vois est-ce que les youtubeurs historiques enfin les youtubeurs histoire sont encore tellement utiles quand les chaînes vont uploader leur propre catalogue de documentaires tu vois sur des dizaines d'années qui ont été faits tu vois ou même pas forcément les chaînes directement mais même les individus et les différentes personnes qui peuvent uploader ça. Ouais, Et après, au final, c'est différents angles d'attaque. voilà, non, tu loupes quelques blagues, quoi. Enfin, dans YouTube, tu vas avoir quelques blagues, mais au final, parfois, tu as une réalisation qui est de meilleure qualité, donc ça compense aussi, tu vois. À la télé, tu veux Mais, dire? non, oui, à la télé, ouais, quand tu retrouves les Ouais, émissions les émissions YouTube, télé qui et sont mises sur ouais, et vraiment, il Internet. y a des sujets que j'arrive à regarder maintenant, alors que moi, ça fait longtemps que je regarde plus la télé. Enfin, ça veut rien dire ce que je dis parce que voilà, j'en avais plus de télé quand j'ai étudié. Je suis parti étudier, j'avais déjà plus de télé et ensuite, voilà quoi. Enfin, j'ai jamais eu tellement de télé en Lettonie. J'ai une télé, mais elle est pas branchée et tout. Pour revenir sur le sujet un peu, tu disais que la Russie c'était patrilinéaire, c'est ça, c'est comme ça que tu disais. Ben en Lettonie justement, c'est assez différent. C'est très matriarcal, tu vois. Et j'ai au début, quand on me disait oui, cette femme, on parle de personnes assez âgées, tu vois. Mais souvent, c'est oui, cette femme, elle avait un enfant avec un gars, deux enfants avec l'autre, ou même parfois un enfant avec un père différent et tout. Ouais. Et au début, tu fais ouais, bon, c'est spécial, tu vois. Mais en fait, en Lettonie, j'ai fini par comprendre que non, c'était un truc assez normal et que c'est vraiment. La Lettonie, c'est vraiment. un matriarcat, on dirait Ouais. ça comme ça? Bah, je sais, bah, matriarcat, ce serait le pouvoir exercé par une femme. Voilà. Mais du coup, c'est peut-être plutôt de, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, une caractéristique sociologique qui est plutôt bah, matrilinéaire, si c'est la femme qui est au Ouais. centre de la famille, de la Ouais, voilà, c'est lignée. ça. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Et concernant la TV, tu voulais nous dire quelque chose, peut-être, concernant la télévision, mon Nico, que veux-tu nous dire? Non, mais ce que tu disais, c'est par rapport aux émissions qui sont sur YouTube, du coup, c'est que ce que je voulais dire, c'est que la télévision, finalement, c'est l'acte de consommer des programmes qui sont choisis par autrui pour toi, en fait, dans l'ordre qui Ouais. est choisi par cette C'est personne ça pour qui toi. est... C'est ça le nerf de la guerre pour moi, ouais, C'est effectivement. pas l'écran, c'est pas le fait d'avoir un écran devant un canapé dans un salon, en fait. Ouais, Donc, c'est ça, la TV, c'est un flux, en fait, surtout. si t'as une télévision, un instrument qu'on appelle une télévision, que t'as acheté chez Darty, mais que c'est toi qui choisis les programmes, bah c'est plus de la télévision en fait, c'est peut-être de la vidéo à la demande, C'est tout ça. simplement quoi. Mais surtout que j'ai réalisé à quel point j'avais des sortes de moods, et j'en parlais récemment à ma meuf, j'ai des sortes de moods hyper passagers, tu vois, où je me dis, ah, mais j'ai envie de ça, de vraiment de ça précisément. Et je te donne un exemple tout bête, mais pourquoi j'ai tellement d'onglets ouverts? Les fans de Mary Gesù se demandent. Non, en vrai, parfois j'ai des milliers d'onglets ouverts en même temps sur les navigateurs. Et au boulot, je pense qu'au boulot, c'est là où c'est le plus clair. Parce qu'au boulot, c'est les onglets de la survie de l'esprit. Pendant que je fais mes niveaux, quoi, hein, donc dans Cuisine Royale, jeu que vous pouvez télécharger d'ores et déjà, pendant que je fais mes niveaux, bah, il faut que je m'occupe aussi parfois un peu les oreilles et tout. Ça dépend de la tâche, évidemment, mais bon, moi, de toute façon, je suis un peu boulimique. Donc, cette boulimie me pousse à remplir mes oreilles, en même temps, faire un truc avec mes mains, etc. Et quand je vois mes onglets, et pourquoi c'est intéressant d'en parler dans le contexte du boulot, parce que je vais pas en ouvrir, je vais pas ouvrir trop de trucs random, je vais ouvrir des trucs dont j'ai besoin un peu le côté survie dont je parlais. Et du coup, tu vois que chacun de mes onglets, il correspond presque à un mood différent, et je les laisse ouverts parce que je me dis, ah bah, quand je retournerai dans ce mood-là, je pourrai continuer à écouter, par exemple, ou à revisionner tel ou tel truc. Et c'est chelou, quoi, et c'est hyper passager. Et en ce sens, c'est un truc que la TV ne peut pas te donner, ça c'est sûr. C'est par exemple, genre, il y a une chaîne qui s'appelle, je le dédicace parce que je trouve qu'il fait un boulot d'intérêt public, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Tindalos, où il lit du premier texte de Lovecraft, voilà, jusqu'à son dernier. Enfin, je crois pas qu'il a encore fini son projet, mais je crois qu'il lit tout ce que Lovecraft a écrit dans l'ordre chronologique, donc une vraie immersion dans l'œuvre du gars. Mais voilà, des fois je suis dans ce mood, ah, je vais construire. C'est marrant aussi, c'est quand je construisais des tranchées, donc un peu des trucs souterrains dans le jeu. J'écoutais Lovecraft et il parlait justement, c'était une histoire à propos d'un mec qui vivait dans qui voulait vivre dans une sorte de crypte ou un truc comme ça. Et c'est un de ses premiers textes. Et du coup, ça correspondait, tu vois. Mais du coup, je laisse ce truc ouvert parce que j'ai pas fini d'écouter, donc je le laisse ouvert, mais mon mood, je passe à autre chose. Et là, récemment, je regardais K2000. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de regarder K2000, la série, donc j'ai commencé C'était par la série l'épisode 1. préférée de mon enfance. Tu vois? Et j'ai commencé à regarder par l'épisode 1, voilà, ce Ouais, truc je avec la sais pas si c'est voiture très intelligente. qualitatif à Tu l'heure actuelle. connais, ouais? Je Mais sais pas, je la trouve pas prochaine ça fois que nul. tu fais des tranchées, par contre, faut que tu peux écouter le terrier de Kafka, éventuellement. Voilà, c'est ça. Mais toi, tu connais K2000, ouais, t'aimes bien? Non, bah, je regardais à la télé quand j'étais enfant. Voilà, la télé, c'est regarder K2000 Ouais, quand on est gosse. ouais. Mais tu vois, c'est comme nous récemment, c'est marrant parce que K2000, je l'ai trouvé sur Dailymotion, comme quoi Dailymotion a encore son utilité. T'arrives à trouver des programmes, voilà, qui seraient peut-être strikés de YouTube. Et récemment, nous, Nico, je t'ai conseillé de regarder Rémi sans famille, que t'as regardé entièrement d'ailleurs, qui était sur Ouais. Dailymotion aussi. Que j'ai regardé entièrement, effectivement. Le Même truc. si le deuxième arc et même si la deuxième moitié de la série est vraiment un petit peu superflue, je trouve. Ah ouais, d'accord, ok. Donc c'est combien Mais des... c'est combien d'épisodes? C'est 51 Ah épisodes, ouais, je quand même, crois. ouais. J'en ai regardé 14, un truc comme ça. Donc on peut en regarder une vingtaine, je pense. Ah quand même, ouais, d'accord. C'est assez émouvant parce que c'est une histoire qui est très limitée en fait, qui est très ramassée, qui est Ouais, très pure. c'est vrai. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est inspiré d'un roman français. Français, du coup, et la série animée est japonaise. Qui s'appelle Sans famille, le roman tout court, par Rémi Sans famille. Ouais. Qui est pas spécialement connu d'ailleurs. Enfin voilà, c'est pas un roman dont on parle tous les jours. Hein. Mais les Japonais ont décidé de l'adapter. Et c'est aussi peut-être ça la partie émouvante, c'est que de l'autre côté du globe, des Japonais soient émus par ce roman et décident d'en faire un animé qui rend vraiment bien hommage, à mon avis, au roman. En tout cas, je trouve ça vraiment beau, quoi, par moment, cet animé. Bah, c'est un animé qui est c'est une histoire qui est poignante en fait, parce que c'est. Ouais, c'est des histoires de. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans le dénuement, donc il est vendu par son père adoptif, Ouais. qui ne veut plus de lui, qui revient dans la maison familiale après avoir travaillé à la ville pendant des années. Et finalement, il se retrouve à parcourir les routes comme musicien ambulant. Donc il leur arrive toutes sortes de tracasseries qui touchent particulièrement. Qui sont particulièrement horribles pour le spectateur de 2019, parce que, par exemple, les gendarmes n'aiment pas les musiciens ambulants. Ou alors, il y a des gens qui les aiment pas juste parce que c'est des ambulants. Ouais. Genre, c'est des gens qui sont immédiatement catalogués comme mauvais, alors qu'ils font de la musique dans la rue gratuitement, et qu'on leur donne des sous si on a envie. C'est pas du tout des pickpockets, des malfrats, c'est juste des gens qui font de la musique et qui donnent un spectacle. C'est marrant que tu dises ça, parce que j'étais tombé sur une vidéo du tristement célèbre Thomas Sirix, donc de l'affaire du, comment ça s'appelait, Voxmaker, et il avait fait une vidéo justement où il assistait, il avait juste filmé ça comme ça quoi, sur la rue, il assistait à l'arrestation, si je me souviens bien, d'un musicien par des gendarmes parce que le mec faisait de la musique. Donc comme quoi, si mes souvenirs sont bons, ça peut encore exister de nos jours, mec. Non, mais bien sûr, c'est interdit de faire de la... je pense que ça dépend des villes. Par exemple, on sait que dans le métro, c'est interdit de faire ça. Ouais. Il y a des... En fait, maintenant, genre la RATP, elle fait des concours. Il y a des zones spéciales dans les couloirs qui sont suffisamment grandes du métro où telle personne ou tel groupe peut jouer de telle heure, etc. Ouais. Voilà, ça peut être régulé. Mais dans Rémi sans famille, on n'est pas du tout dans un contexte de mégapole avec énormément de gens et un chaos à réguler. Ils sont dans des petits villages, en fait. Ouais. C'est genre le flic municipal de la ville où il n'y a rien du tout qui se passe pendant toute l'année. Et bah non, il y a un musicien qui arrive, ça le dérange parce que ça ne respecte pas la réglementation. Donc ils vont leur faire des misères. C'est ça. Mais bon, ça devait déjà toucher les gens à l'époque. Non, parce c'est que, clair. Bah, voilà, c'était... Mais après... C'était quand même une histoire touchante de base. Après, par contre, ce qu'il faut dire aussi sur l'histoire, c'est que, bon, déjà, c'est une sorte de road trip dans la France de, c'est quoi, c'est 1860, quelque chose comme ça, ouais, 1870. Ouais, c'est un peu la même période que Les Misérables, justement. Ouais, il y a un peu un début d'éclairage au gaz dans les rues, enfin, on est un peu dans une période comme ça. Mm-hmm. Mais c'est aussi une période qui est quand même assez où ça reste encore quand même très dur à la campagne, où on se déplace à pied. Ouais. Quand on prend le train, c'est exceptionnel. Il y a un sujet que je trouve intéressant aussi, c'est justement son père va travailler à la capitale, c'est ça. C'est comme ça que, enfin au début en tout cas, son père est à la capitale. Et ça, c'est un phénomène qui est, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est passé justement vers cette période-là, je dirais fin du 19e. Où il y a beaucoup de gens de la campagne qui allaient bosser à la capitale, etc. Et c'est marrant, par exemple, quand je parle avec mon grand-père, bah lui, c'est un mec vraiment, on va dire, rural, même si bon, sa profession, c'était plombier, mais quand même vraiment un mec ancré dans la campagne. Et c'est toujours surprenant parce que du coup, quand j'imagine son père, donc mon arrière-grand-père, c'était un agriculteur, mais quand tu remontes derrière ça, tu te dis, ouais, bah du coup, ça doit être que des agriculteurs de père en fils, et voilà, tu remontes jusqu'à voilà, moins 10 000 avant Jésus-Christ, c'est des agriculteurs, je dis n'importe quoi. Et en fait, non, parce que tu te rends compte que dans la génération précédente, fin du 19e, y avait beaucoup de gens qui étaient partis monter sur Paris et qui peut-être étaient revenus quand même au final à la campagne, mais qui à un moment donné étaient quand même des citadins de la capitale, quoi, tout simplement. Enfin bon. Bah, disons que je pense que la structure des différentes branche de travailleurs dans la société française, c'est de l'agriculture massive jusqu'à la révolution industrielle, quoi. Ouais, voilà, c'est Où ça. là, et de la ruralité massive jusqu'à la révolution industrielle, où tu as un début d'urbanisation et de. Bah de. Ouais, de gens qui travaillent dans l'agriculture qui vont se diriger vers les villes, quoi. Ouais, c'est ça, Ou qui travaillent exactement. dans l'artisanat de façon indépendante, qui vont se retrouver à travailler dans des usines. Yes. Bah, exactement. Et alors, dis-moi, Nico, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ces sujets que nous avons abordés? On a parlé de beaucoup de choses, hein. Comme d'habitude, on aurait pu développer. Bah, un truc que je voudrais dire sur Rémi sans famille, c'est que c'est un livre et une histoire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est un road trip qui permet de découvrir énormément de parties de la France. Donc, ça plaît aux Japonais pour Ah ça, je pense ouais, ça aussi. c'est vrai. Avec aussi C'est une histoire poignante et en plus, présenté sous c'est. forme de carte, on voit bien la carte dans, Ouais. selon laquelle le chemin qu'ils suivent en fait à travers la Voilà, France. vous pouvez C'est réviser presque vos un. katakana avec les différents noms de C'est villes. Vous pouvez vrai. deviner la ville Ouais, tu lis si les vous connaissez votre katakana et t'essaies de katakana. deviner la ville. Ça, c'était grave marrant. Mais Ouais. ça fait presque un guide touristique, quoi, en fait, à ce Ouais. niveau-là. Et aussi, ce que je voudrais dire, donc ça c'est la perspective japonaise sur le roman, mais ce que je voudrais également souligner, c'est que l'histoire et le livre ont été écrits à une période où la littérature se consommait comme le divertissement, on va dire, de base de l'élite, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a des arcs narratifs qui sont un petit peu délayés. Faut faire des épisodes pour la publication du livre dans le journal. Donc si ça plaît bien, bah, on va rajouter un arc supplémentaire. Un peu Ouais. comme certains mangas ou certains animés C'est qui ça, n'arrivent pas à c'était du trouver de fin feuilleton, quoi. aujourd'hui. Ouais, c'est Ouais, ça, du feuilleton. c'est un feuilleton, absolument. Et toi, tu penses qu'à l'époque, justement, de peut-être Victor Hugo qui publie un feuilleton aussi, t'avais cette même pression, ou peut-être pas pression, mais que subissent les mangakas de nos jours, ou selon le retour des lecteurs, en fait, la série, le feuilleton pouvait se poursuivre ou s'arrêter brutalement, etc. Ça serait fou quand même. Bah, je pense qu'il y avait un minimum de pression, mais c'est surtout que c'était pas le même rapport à la littérature. Il y avait plus un aspect divertissement, à mon avis, Ouais. pour ce qui est des feuilletons en tout cas. Parce que, ben, je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de la littérature pour le grand public, quoi? Je veux dire, il y a les bouquins super connus de Marc Lévy, etc., sans jugement de valeur aucun. Et qu'est-ce qu'on a? La poésie sur papier, c'est pas tellement consommé, mais Ouais. on a le rap Ouais. en termes de chansons, qui est une forme de littérature, de poésie qui est ultra concentrée. On va vouloir dire trois choses en même temps avec la même métaphore de quelques mots, Ouais. par exemple. Et on a suivi tout un chemin vers le dépouillement et vers l'épure et vers dire le maximum de choses avec le minimum. Ouais, À l'époque, c'est pas exactement. du tout ça. À l'époque, si on va vous raconter une histoire qui va s'étaler sur des mois et des mois, on va décrire le cheminement entre Toulouse et je sais pas quel patelin à côté de Ouais. Toulouse, parce que c'était de la consommation, c'est une consommation de la littérature qui était différente. On lisait beaucoup plus vite et on n'avait que ça comme divertissement. Mais tu sais, le parallèle avec les mangakas, c'est un truc, ça m'a toujours marqué. C'est au lycée quand on a lu Les Misérables. Parallèlement, il me semble, ou peut-être un peu avant, j'avais commencé à lire sérieusement 20th Century Boys, le manga d'Urasawa. Et je faisais vraiment des parallèles entre Les Misérables et 20th Century Boys, qui ont au final, maintenant qu'on en parle, ils ont tous les deux été publiés de façon hebdomadaire ou mensuelle, je sais pas bien, mais toujours est-il que Bah, cette façon. ouais, bah, peut-être que je sais pas si c'est le meilleur parallèle à dresser entre littérature, la meilleure comparaison avec de la littérature pour 20, mais c'est peut-être les Rougon-Macquart en fait. Ouais, bah alors, T'as ok. plusieurs générations. Si tu veux, moi à l'époque, je me disais, putain, je connaissais pas les Rougon-Macquart à ce moment-là, mais je me disais, putain, ça serait trop bien que Urasawa il adapte Les Misérables en manga, et je pense encore aujourd'hui qu'il serait parfaitement dans son élément, quoi. Parce que t'as des trucs, par exemple, dans. Comment il s'appelle le pote de Kenji dans 20th Century Boys qui se retrouve en Thaïlande et tout? Tu te Ouais, le mec souviens? qui est cool, Qui est cool. avec les Et, cheveux longs, mais là, même je Kenji crois. d'ailleurs, à chaque fois, c'est Jean Valjean, c'est pareil. C'est que le livre il commence avec Jean Valjean Après, si je dis pas de conneries, on va parler d'autre chose pendant plusieurs chapitres. Et là, Jean Valjean, il revient. Et du coup, il est encore plus cool parce qu'il revient. Oh, he's back. Bah ouais, ensuite, c'est vraiment une mécanique épisodique. C'est... Voilà. Et il y a ça. Même des, il y a des trucs qui sont présentés comme des retournements de situation qui en sont peut-être à l'époque pour le lecteur qui tu veux dire qui lit chaque semaine son truc, tu vois. Ultime Fauchelevent. Ouais, c'est ça. C'est ouais, ça. Absolument. C'est ça. Et bah Ultime Fauchelevent, c'est pour on le dit pour les gens, c'est c'est Jean Valjean. Et en fait, on il y a un chapitre où on parle de ce gars-là, Ultime Fauchelevent et tout, c'est assez long d'ailleurs. Et au bout d'un moment, le plot twist, c'est que c'était Jean Valjean depuis le début. Bah c'est comme sauf dans que 20. C'est pas du tout un plot twist. Alors toi, puisque le lecteur, ouais, s'il lit le roman comme on lit les livres aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va lire Les Misérables, on va dire en un mois peut-être. Ouais. Bah il sait forcément que c'est Jean Valjean parce qu'il a toutes les caractéristiques d'un Jean Valjean. Non mais ça, je suis d'accord avec toi, mais peut-être qu'à l'époque justement les gens étaient moins prêts pour ce genre de plot twist, étaient moins avertis en fait. Mais ce que je voulais dire c'est peut-être que peut-être qu'il y a ça. Ouais, bon vas-y, je te laisse. Non mais quand Kenji revient, il est jamais nommé Kenji au début. Je parle de son retour en tant que guitariste. On ne tire pas sur un mec qui chante, n'est-ce pas? Et il n'est pas nommé en tant que Kenji. Donc en fait, c'est exactement la même procédure narrative que Jean Valjean est dans Les Misérables, Ultime Fauchelevent. Et justement, probablement à peu près à la même, comment dire, la même partie de l'histoire, quoi, le même pourcentage entre guillemets de l'histoire. Ça doit être vers les deux tiers du bouquin et les deux tiers du manga, un truc comme ça, tu vois. Mm-hmm. Bah ouais, du coup, Jean Valjean, je crois d'ailleurs que c'est deux fois qu'il revient. Ouais, ouais, c'est ça, mais c'est pareil. Mais comme dans Urasawa, c'est les mecs qui ne font que revenir. Ils reviennent toute la journée, les mecs. Et ouais, ce que je voulais ajouter, du coup, bah, c'est que le lecteur qui lisait à l'époque le feuilleton dans son journal, dans son périodique, mm-hmm. Bah, du coup, il y avait plus de temps qui se passait entre la dernière fois qu'il avait vu Jean Valjean et la fois où il réapparaissait. Ouais, c'est ça. À la limite, il avait fait son deuil du personnage, et entre les actualités mondial et les actualités locales et les pages des faire-part de décès, il se retrouvait à lire son bout des Misérables, quoi. Ah, c'est ça. Et là, il était vraiment surpris parce qu'il s'attendait pas à ça. Alors qu'aujourd'hui, quand on lit le bouquin d'un seul tenant, c'est un petit peu plus facile de se rendre compte. Après, les mangas, c'est pareil, hein, quand c'est publié en France, c'était publié, donc on attendait le nouveau numéro, je sais plus que ça sortait tous les combien de temps, il y avait quelques mois de décalage entre chaque numéro, je pense, à l'époque de 20. Je sais pas pour les 20, mais les Full Metal, c'était un par mois environ. Ouais, après, ça dépend ce qu'ils peuvent se permettre, quoi, selon s'il y a déjà tout est publié au Japon, etc., etc., quoi. Ouais. C'est la tante de mon... C'est la marraine de mon frère qui lui avait offert le 20, et du coup, de mon grand frère, et du coup, je l'avais eu entre les mains, le numéro 1, et je me souviens que j'avais vraiment kiffé. Mais à l'époque... J'avais pas tout de suite... voilà, en plus, on était en Guadeloupe, donc il y avait sûrement moyen de trouver les mangas, mais peut-être pas à Saint-Claude. Mais après, quand on est rentré en France, ouais, j'ai vu qu'il y avait le numéro 2 et tout, et j'ai acheté. Et vraiment, c'est vraiment ce manga qui a accompagné ma transition du shonen, quoi, vers le seinen, parce que j'étais vraiment à fond dedans, tu vois. Enfin... Mon cher Nico, moi je pense que on va arriver sur notre sujet de conclusion. C'est ouais, qui est le brouillard, du coup. On raconte pour les gens, c'est drôle parce qu'à la base on s'est dit vas-y on fait un trollcast libre avec le sujet du brouillard, mais vu qu'au final on est parti dans des discussions et c'était un peu ça l'idée aussi, je pense qu'on peut. J'ai eu cette idée en conduisant sur la route en Normandie ce soir. Ouais. Ben, du coup, dans l'obscurité et dans une espèce de purée de pois. j'aime bien le concept du brouillard. Je pense que ça pourrait être intéressant de garder ce format pour les suivants où on parle de ce qu'on veut, mais peut-être on garde justement un petit sujet comme ça, final. Je trouve ça marrant. Je sais pas, je trouve ça original. Mais vas-y, dis-moi. Pourquoi pas? Non, bah, je sais pas. Je voyais ce brouillard et à chaque fois que je conduis dans le brouillard... Et du coup, je vois le paysage défiler devant mes yeux. Bon, quand même pas si vite que ça, puisque du coup, je ralentis ma vitesse en voiture. Ouais. Je pense toujours aux jeux vidéo où il y avait du brouillard, voilà, en fait. Ça. Et à la distance d'affichage, et plus généralement... Voilà, plus généralement, la distance d'affichage, avec ou sans brouillard, en fait, le fait pour un créateur de dissimuler les limites techniques d'un Ouais. hardware qui peut pas afficher autant de choses qu'il le voudrait. Exact. Ouais, c'est ça. Bah, il y a plein de choses à Et je dire. me disais que finalement, quand on repense au jeu N64 par exemple, ou au jeu qui avait pour habitude d'afficher du brouillard, Ouais. c'était une forme d'élégance en fait. C'était ça que j'ai pensé tout à l'heure. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus désagréable que du clipping en fait qui te Ouais. ramène à la condition de joueur de jeux vidéo, d'un truc qui a des limites techniques en Ouais, fait. c'est clair. Alors que le brouillard, c'est finalement tu jettes un voile pudique sur des limitations. Ouais, c'est vrai, c'est beau, c'est bien dit, franchement, c'est vrai. Bah ouais, le brouillard, après, t'as le pendant sur PS1, surtout, t'as le pendant un peu moins. Comment dire, un peu moins. Un peu plus dark, j'ai envie de dire, c'est l'ombre, en fait, l'obscurité. Dans un Tomb Raider, t'étais plus souvent confronté, pour cacher justement les limitations de l'affichage à distance, c'était souvent du noir, de l'ombre, en fait. Et tu t'approchais et ça s'éclaircissait, quoi. Et là, c'est vrai que ça peut un peu. Ça crée un peu plus d'anxiété, je trouve, Oui, non l'obscurité, mais vraiment. oui, t'as ça, mais je pense que c'est aussi ce que tu vas avoir dans un Alan Wake, par exemple. Le fait de jouer la nuit, par exemple, que les ennemis qui arrivent rapidement sur toi sont là la nuit, et souvent il y a du brouillard aussi, Ouais. bah, ça te permet d'économiser sur d'autres choses aussi, tout en conférant au jeu une direction artistique intéressante et en faisant du brouillard un élément qui est intéressant pour le gameplay Ouais, c'est aussi. ça. Mais Donc ça peut être soit un voile pudique jeté sur des limites techniques, soit encore mieux, une utilisation pour la narration. ouais, exact. Tu parles, bah, typiquement dans l'exemple de Silent Hill, quoi, où vraiment Silent Hill, c'est la bonne idée. Keiichiro Toyama, si je ne m'abuse, c'est bien ça son nom. Mais si tu veux, à un moment donné, c'est la trouvaille géniale et qui ensuite a donné Silent Hill 2 de se dire bah la ville est envahie de brouillard. Et du coup, bah, de l'autre côté, ça permet de maintenir une qualité visuelle qui aujourd'hui fait que le jeu n'est pas daté. Tu peux encore jouer à Silent Hill 2 de nos jours. C'est peut-être un des premiers. Je pense, je vais faire un hot take, on dit comme ça. Je pense que Silent Hill 2, c'est un des premiers jeux historiquement, en 3D, j'entends, qui ne vieillira jamais vraiment, en fait. Qui ne viendra jamais obsolète, tu vois. Parce qu'à l'époque, on parle de début 2001, avec peut-être Metal Gear Solid 2 aussi, on va dire, mais Silent Hill, c'est vraiment. T'as rien qui est devenu obsolète, limite, quoi. C'est les cinématiques qui étaient animées à la main, les visages dans les cinématiques précalculées qui étaient animées à la main. Alice, ma copine, elle continuait de trouver ça impressionnant parce que c'est juste vraiment fait dans le détail. Les personnages sont hyper expressifs. Ça, c'est pour l'aspect cinématique. Mais pour l'aspect autrement du jeu en tant que tel, bah, soit t'es en intérieur et là, le jeu, il gère ça à merveille, tout est beau, ou soit tu es à l'extérieur et justement le fait qu'il y ait une telle limitation de l'affichage, de la distance d'affichage, fait que bah tout ce que tu vois est beau, quoi. Enfin, ils mettent toute la puissance dans ce qui est proche de toi. Mais du coup, avec aussi bah, le brouillard, il y a eu des polémiques dans le jeu vidéo moderne. C'est que tu as eu des versions de Silent Hill, si je ne m'abuse, qui sont ressorties sur les plateformes modernes, où justement le brouillard avait été désactivé, où il avait été modifié. Et je sais que sur PC, j'ai joué à la version PC de Silent Hill 2 à l'époque aussi pour faire le chapitre bonus que j'avais pas sur PS2. Et il me semble que tu avais aussi moyen de désactiver le brouillard ou de désactiver le grain. Désactiver le grain, j'en suis sûr. Le brouillard, je sais plus trop. Mais ça, c'est un sujet que tu balances comme ça, mais il y a trop de choses à dire. Par exemple, dans Morrowind, c'est vrai, on en parlait au début du podcast, mais le brouillard, il est présent également. Et il y a des modes qui permettent de le retirer. Et là, tu vois toute la carte s'afficher. Et tu fais putain, mais ça n'a rien à voir, quoi. Justement, dans Morrowind, tu as cet aspect un peu. Je sais pas, genre, comment dire, un peu genre comme si t'étais en Bretagne, et genre c'est un peu brumeux, t'es près de la mer et tout. Et t'as ce brouillard qui cache aussi la distance d'affichage. Et c'est vrai que quand tu enlèves, tu utilises ce mode pour enlever le brouillard, là t'es presque dans un autre jeu où tu peux voir beaucoup plus loin en fait. Tu vois les villes qui sont au loin, tu vois d'une ville à l'autre, t'arrives à les voir. Alors que dans le jeu de base, bah, t'es toujours en train d'évoluer lentement, un peu bah, justement à l'aveugle quoi. Et Bah, si vous voulez voir deux jeux du même créateur avec ou sans brouillard, vous pouvez jouer à Metal Gear Solid 5 ou à Death Stranding. bah voilà. Dans MGS5, il y a du brouillard uniquement à certains moments quand on se fait attaquer par certains ennemis. Mais sinon, le reste du temps, il n'y en a pas en fait. Et du coup, on est confronté à un clipping persistant, quoi. Ouais. Alors que C'est vrai. dans Death Stranding, justement, il y a eu le choix de. Bah déjà de faire en sorte que la distance d'affichage n'ait pas à être si longue que ça en fait de par le relief. C'est vrai. Mais du coup quand on prend de la hauteur et qu'on regarde en contrebas, bah un peu comme dans la vie la vraie vie, il y a du brouillard Voilà, c'est quoi. ça. Bah même de la... Il y a une végétation qui va émettre de la vapeur d'eau et il va y avoir des rivières et du coup il y a du brouillard et c'est pas du tout Et choquant en puis tout fait. simplement aussi ce qu'on appelle la perspective atmosphérique, c'est-à-dire le fait que plus un élément est loin, en fait, plus il devient un peu recouvert quoi, par l'atmosphère, un peu bleuté s'il fait beau, enfin ce genre de choses, quoi, tu vois. Là, quand on est en hauteur, il y a aussi l'impression que les éléments en contrebas sont écrasés aussi, que tout est Ouais, plat. ouais. Mais ouais, donc du coup, ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est que finalement, pour quelqu'un comme moi qui a grandi en Normandie, donc une région avec beaucoup de végétation, la mer, Ouais. la Seine, enfin pas mal de ruisseaux, c'est pas du tout choquant d'avoir du brouillard en Ouais, non, c'est fait clair. dans un jeu. Mais même, c'est Pour apaisant. moi, la normalité, c'est le clipping, et la normalité, c'est À la un normalité, ouais, brouillard ou d'accord. alors un level design qui fait en sorte qu'on ne voit pas le clipping. Mais tout à l'heure, tu parlais des jeux N64, et justement, il y a une différence entre l'époque PS1, qui est la reine du brouillard, ou la reine du clipping, ou la reine du manque de distance d'affichage, peut-être avec la Saturn, quoi, enfin ce genre de console, qui tournait sur CD, justement. Là où la N64, en fait, quand elle a, tu lui fous sa cartouche, c'est une extension du hardware pur, en fait, dans laquelle, ben. Ah, le 64 Voilà. DD, Non, non, c'est non, non, ça, je, non? non, non, là, je parle vraiment de rien que de la cartouche. L'idée, en théorie, pourquoi une cartouche, ça avait des avantages sur le CD, c'est que tu pouvais, par exemple, rajouter la puce TurboGrafx. Non, j'ai peur de dire une connerie. Super FX. Enfin, la puce qui faisait de la 3D pour le jeu Star Fox, par exemple. Et en gros, tu transformais. C'est comme si tu rajoutais une chip. Ah, c'était pas que du software, Voilà, ça que non, tu c'est veux ça. dire. Voilà, c'est ça. Le CD, en gros, la PS1, elle va subir le CD, mais il va pas y avoir d'échange de flux, tu vois, de fluide même, je Ouais. dirais. Mais c'est juste, ah ben voilà, je suis la PS1, j'ai tant de puissance, voici ce qu'on me donne à manger, je vais faire le mieux que je peux avec mon hardware, tu vois. Alors que ce qui est intéressant avec les cartouches, c'est que ben justement, tu pouvais y mettre une sauvegarde, tu pouvais y mettre ben de la nouvelle technologie, comme on disait, les puces et tout. Mais aussi, en gros, là, c'est différent. Ça joue presque comme une RAM ou bien ou un disque dur, tu vois. Genre, la console, à tout moment, elle peut accéder à la totalité de la cartouche, tu vois. Contrairement au CD où il faut balader le rayon, charger le truc dans la RAM de la console. C'est pour ça que tu avais des temps de chargement sur PS1 et pas sur N64, par exemple. Mais et justement, et ça change énormément comment. Les jeux étaient affichés. Quand tu prends le Bob Omb, par exemple, dans Mario 64, la guerre des Bob Omb, enfin là, le premier niveau, et bah toute la enfin dans Mario 64, globalement, la map est toujours affichée entièrement, quoi, quasiment. Et sans brouillard, quoi. Tu vois, Ouais. quand t'es du haut du Bob Omb, mais ça, c'est un truc sur PS1, tu voyais pas ça. Parce que t'avais pas moyen de faire ça sur un CD. Et alors oui, je crois qu'il y a quand même des petits brouillards dans Mario, mais ça dépend des niveaux en plus, hein. Non, mais c'est vrai que c'était déjà assez impressionnant à l'époque. Bah ouais, mais ça c'était le Et format du coup, tu cartouche, le penses support cartouche. qu'il y a des cartouches avec différents types de hardware Bah non, mais ou on sait pas bien sur la que 64? sur la 64, bah. Non, Est-ce que ça voudrait dire ça aussi, par Non, exemple? mais. Tu vois, peut-être, Bah c'est. éventuellement, si on peut rajouter une pièce de hardware sous forme de cartouche. Bah je pense qu'on peut, hein, théoriquement, puisque sur Super Nintendo, ils le faisaient. Donc sur Super Nintendo, ils l'ont fait. Donc après. Faut voir, hein. Après, on sait que les cartouches, elles ont augmenté de taille au fur et à mesure, genre. Et après, bon, pour les jeux comme Majora's Mask, il fallait utiliser une extension de mémoire, quoi, aussi. Donc c'est vrai que Une bon, extension RAM, ouais. ça passait pas directement par la cartouche en l'occurrence. Mais en fait, mon exemple, c'était juste pour dire que voilà, ça avait une façon différente de gérer sur cartouche et que ça permettait justement peut-être d'éviter trop de brouillard ou trop de clipping. Sinon, pour le sujet du brouillard, bah, y a un autre truc qui est très classique, même si ça sort un peu de nos domaines de compétences, c'est le brouillard de guerre dans les jeux type... Bah non, toi, tu connais Age of Empires, ou c'est quel jeu que tu jouais, toi? Bah, moi, un des premiers jeux auxquels j'ai joué sur PC, c'est Age of Empires 2, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu le seul jeu stratégie PC auquel j'ai vraiment joué de façon complète, on va dire, ouais, quoi. Ouais. Parce que j'ai touché à certains autres jeux, mais sans vraiment m'y intéresser, quoi. Les civilisations, par exemple, c'est ah pas... oui, civilisation, ouais. Mais même civilisation, d'ailleurs, je sais même pas s'il y a du brouillard de guerre dans civilisation. Non, je crois pas, hein. Il me semble pas, non. Dans Age of Empires, c'est typique, parce que t'as la map, elle est... C'est ça, hein, elle est recouverte de noir. Bah, la tension dans Age of Empires, ouais. Le 2, du coup, je parle du 2, parce que ouais. Le 1, mais j'ai le 1, joué un c'est, petit peu, mais c'est je connais comme pas Street trop. Fighter. Hein. Il y a les gens, j'ai rarement entendu parler les gens du 1, tout le monde a eu le 2, quoi, comme Street. Ouais, bah moi, dans ma classe à l'époque, je sais pas quelle époque ça devait être, du coup, peut-être en CM1. Ouais. Bon, ouais, un truc comme ça. Donc, on avait 10 ans. Ouais. Il y avait pas mal de gosses qui connaissaient Age of Empires 2. Ah ouais, 2, c'était assez populaire. Mais après, il y avait la dimension historique aussi. Peut-être ça a aidé les parents à passer le pas, à l'acheter sur l'ordinateur qui est familial, qui à l'époque se développait. Puis c'est pas un jeu qui demandait aussi une carte accélératrice 3D comme à l'époque il y avait déjà. Non, bah moi j'y avais joué sur le Dell de ouais. Mon oncle. Mais c'est genre sur son ordi de boulot, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et effectivement, ça marchait assez bien. Et ouais, t'as raison, l'aspect éducatif et historique, il ouais, est très présent dans joue, le jeu. En fait, c'est joue. Quasiment... Enfin, c'est un jeu qui est hyper sérieux, quoi. Ouais, t'as c'est William vrai. Wallace qui t'explique, ouais, vas-y, on a des archers contre les Anglais. Les Anglais ont des tourelles en bois de telle nature. Ouais, c'est après, clair. T'as Salada qui t'explique, oui, effectivement, en face, ce sont des chevaliers qui sont comme ça, nous devons les récupérer notre terre, comme ça. Enfin, c'est vraiment pas la rigolade, quoi. C'est clair. Moi, justement, récemment, j'ai eu un coup de nostalgie, hein, ça me prend comme ça, c'était par rapport à Kaisar 2, c'était un jeu vidéo qu'on avait de stratégie, justement, sur l'ordi familial, et... le jeu il arrêtait pas de dire il vous faut des plébéiens et on disait mais c'est quoi des plébéiens c'est quoi des plébéiens on comprenait rien au jeu tu vois c'est bizarre quand tu demandes à un gosse on demande à un gosse d'avoir ouais. Des plébéiens alors que le gosse il sait pas ce que c'est tu vois c'est un élément historique très spécifique quoi. Et le jeu n'était pas du tout didactique, du coup. Il oh, avait pas peut-être de qu'il l'était, ouais. Mais à l'époque, on s'en foutait, on n'allait jamais voir les... Si, si, je pense qu'il y avait un aspect un peu historique qui enseignait un peu, mais c'est à l'époque, on s'en foutait, quoi. Moi, un truc qui m'avait frappé, c'était peut-être les Mamelouks, du coup, ouais. Dans Age of Empires 2. Du coup, c'est des soldats égyptiens, je crois, il me semble. C'est possible, plutôt ouais. Qui se battent à... C'est plutôt de la cavalerie, ils sont plutôt sur chameaux. Ou dromadaire, je ne sais pas. Ah oui, je m'en souviens de cela, ouais. Et je crois que j'étais allé voir sur internet ce que c'était après. Mais je ah, crois pas vois. Qu'il y avait la définition dans le jeu de ce que c'était de façon précise, quoi. Un truc alors, qui m'avait choqué aussi, c'était genre les chevaliers teutons. Genre c'est quoi C'était pas du tout expliqué, pour le coup, dans le jeu. Ah bah, je trouvais le mot, bizarre, comme toi, tu trouvais bizarre le mot plébéien. Ouais, plébéien. Bah tu vois, c'est ça, hein. Mais teutons, hein, qui étaient en Lettonie, hein. Les chevaliers teutons... Ça fait partie de l'histoire de Lettonie. Bon, Nico, ouais. Moi, je pense qu'on a bien causé, là, pour un premier trollcast libre, n'est-ce pas? À refaire, évidemment. On a du environ... coup, nous avons fait exactement le contraire de ce qu'on avait promis de faire avec les trollcasts. Puisqu'on avait promis de faire que des trucs de fond et d'analyse, et finalement, bon, non, là, nous sommes dans la détente, c'est dans la gaudriole, mon vieux. Non, je pense qu'on est de fond quand même, mais justement, moi, malheureusement pour moi, hein, mais je réalise à quel point j'ai du mal à être de fond sur un seul sujet, ou à, genre, je suis pas un mec qui pourrait écrire une thèse, tu vois, genre, moi, j'arrive à creuser des trucs dans la conversation, d'un sujet à l'autre, etc., et je me dis qu'à la limite, dans ce format-là, pour nous, c'est pas mal. Et c'est vrai que nous deux, ben, on a tendance à s'appeler de temps en temps, discuter et tout. Et pareil avec mon frère Adrien. Et à chaque fois, je me dis, mais en fait, ça, tu l'enregistres, ça fait un podcast, quoi. Parce que, tu vois, quand Adrien, on commence à parler, lui maintenant il bosse, il est toujours chez Ubisoft pour l'instant, mais tu sais, des fois il commence à parler de sujets et tout, je fais de game design, je rebondis et tout, et je me dis, mais putain, mais ça fait un podcast en fait, tu vois, parce qu'on a un gars qui est un connaisseur qui bosse, et moi, ben, qui connais quelques trucs et qui peut rebondir, tu vois, poser des questions et tout. Mais bon, voilà. On peut aussi voir ça comme une forme de carnet de notes ou de... Ouais, voilà, de... journal de bord. Voilà, de... ouais, non, mais parce que c'est intéressant quand même, par exemple, parce que là, on aurait pu parler de plus en détail du jeu de Désilé Ancestors. Ouais. Donc, pour rappel, qu'il y a un jeu qui propose aux joueurs de... d'incarner un hominidé au début de son évolution et de transmettre différentes choses qu'il apprend, comme par exemple le fait de pouvoir prendre un fruit, le fait de pouvoir le changer d'une main à l'autre, le fait de pouvoir commencer à utiliser des outils et le transmettre de génération en génération pour évoluer et pour voir si on arrive à évoluer aussi vite que a fait l'espèce humaine. C'est ça. Voilà. Et donc, bah, par exemple, ça, c'est un jeu qui est moi, auquel j'ai pas tant joué que ça, même si je trouve que c'est une proposition de jeu qui est quand même assez intéressante. Et je pense que c'est un jeu qui mérite d'être mentionné dans un podcast de ça, détente c'est... ou d'actualité, tout simplement pour donner plus de visibilité au jeu, quoi. Ouais, même non, si mais j'ai pas la prétention d'en faire une critique exhaustive. Ah bah de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler avec Shambhala, je pense qu'il lui l'a fini pour le coup. Et bah ouais, au prochain podcast Trollcast Libre, on verra si on invite d'autres intervenants, car nous avons un réseau incroyable du Trollcast. Non mais c'est vrai qu'il y a quand même, ça s'accumule hein, les gens avec qui il faut faire des podcasts, que ce soit les gens plutôt du Discord de Mergesu ou alors d'autres gens, tu vois, même avec Punky par exemple, ça fait un moment que je lui disais il me disait, oh, tu veux pas faire un podcast à la case rétro, machin. Moi, je lui disais, oh, il faudrait que tu viennes pour un Trollcast et tout. Donc, peut-être l'occasion de développer ça aussi. Ouais, il y a un écosystème du podcast qui est en pleine ébullition et c'est tout à fait intéressant. Ouais, exactement. Ça sera le mot de la fin, mon cher. Enjaillez, mes amis. Reposez-vous confortablement, ça ne veut rien dire. Voilà, moi-même, là, je suis un peu fatigué, donc... Il est temps de couper le microphone, je pense. Microphone branché, je me sens tellement bien, disait Fab. Voilà, on se quitte sur un son de Fab, n'est-ce pas, Nico? Tu me mettras ça coupé. Au montage. Coupez-lui le sifflet. Allez, à plus, les amis. Ciao. Salut, ciao, Nico. Salut. Salut.